Je fais ta concu, j'ai tout au choc. Mets-toi de ton cul, tes couteaux portent. Je vais m'en faire un, c'était ton pote. Ta copine a le béguin pour un de mes potes. Moi j'ai le béguin pour un de mes glocks. 15 heures d'après, mon édit dans le bloc. Perde la cheese, ça effrite sur le choc. Un des games si tu vas goûter la toque. Et la miss, je te casserai tôt ou tard. J'ai des frères sous bracelet au mitard. Et des autres qui font cracher la guitare. Dans la boîte, au Pinel ou pétard. Pour mon gosse, je soulève ton checker. Et l'album arrivera jamais tard. C'est la bonne, j'entends dans checker. Pas de mi-gosse, là c'est 13ème mars. Prends une ados, pas le temps de les par. Pas de mytho, non. Pour l'instant c'est 8 dans le Migo. Coke dans le Gigos, rabat dans le Vito. Non, on fait les comptes. Recharge calibre, Marseille Cali, peine de prison pour ton pali. Valise remplie dans le talis, argent plata, Zeyo Khalis. Zeyo Khalis, argent plata, Zeyo Khalis. Zeyo Khalis, argent plata, Zeyo Khalis. Dans ma tête c'est le bazar, capitaine s'embrasse à ta team. C'est le Barça, la mienne c'est la NASA. Libérez Fiche, donnez-lui des masses. Donnez-moi un Uzi pour tuer ses rassas. Que de passage comme dit qu'il a la frontière. Rien qu'on brûle, y'a pas de coup d'assure. T'inquiète pas, j'assume, chaque couplet j'assomme. Fais le tour de la zone et je retourne à la sud. Des aides forestières, des aides forever. La réalité c'est proche par des revers. Des aides durées fermes, des aides dans le cœur. Ma parole vaut cher, demande au patron du club. T'inquiète, ça ira, au pire je reviens. Avec une arme de Sarajevo. Je te baisse, tu verras, de casque un pilote. Une arme, une fuite, on va à des rôles. Recharge Cali, Marseille Cali, peine de prison pour ton pali. Valise remplie dans le talis, argent plata, Zeyo Khalis. Zeyo Khalis, argent plata, Zeyo Khalis. Zeyo Khalis, argent plata, Zeyo Khalis. J'te casse les dents, belle et que tu restes pas ta lumière, KO direct. Je ne veux plus chant des sirènes. Je veux me lever avec ma sirène. Au bord de l'eau, la vue, j'admire. Hamdou les pommes, j'ai jamais ciré. J'ai déjà dit, quand j'pars, j'assume si y'a hajj.